Chapitre 8e, Badinage. Retrouver Josette Rosay ne se révéla pas compliqué, comme Patricia l'expliqua à Dutilleul. Il me suffit de consulter les pages blanches. La dame vous attend à 10 heures. Elle serait bienvenue ici, mais elle s'est foulée la cheville. Aucune importance, répondit Dutilleul. De toute façon, c'était à moi de me déplacer. Pardonnez-moi, monsieur, mais cette affaire n'est pas toute neuve. Pourquoi mettre tant de hâte? Marie, à ce que j'ai compris en mettant vos notes en forme, ne reviendra pas, ce qui est bien dommage. Que comptez-vous donc trouver? Vous n'allez pas jouer les fossoyeurs. C'est pourtant exactement ce que je vais faire. Je vais creuser, même si le sol se révèle particulièrement compact, parce que je n'ai tout simplement pas le choix. Je reconnais que le résultat est des plus aléatoires, mais cette gosse mérite vraiment une seconde chance. Je n'aime pas cela, monsieur. Si cela peut vous rassurer, Patricia, moi non plus. Mais au moins je suis payé pour. Dans ce genre d'affaires, le temps passé est un allié précieux, qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est pourquoi je veux publier à nouveau la photo de Marie. Surtout, ne lésinez pas. Je veux la une des grands quotidiens nationaux. Ratissez large, et ne vous souciez pas de ce que cela coûtera. J'ai le plein accord de Castex. Alors, c'est vraiment sérieux? Absolument. Sérieux et prioritaire. On ne sait jamais. Cela pourrait rappeler quelque chose à quelqu'un, malgré les années passées. Comprenez bien ceci, Patricia. Avant de me lancer dans l'enquête concernant le meurtre de Marion Chardy, j'ai besoin de connaître un peu son histoire, et celle de la maman me semble un bon début. Très bien, monsieur, mais prenez garde à vous, sinon... Je sais, Patricia, vous seriez très fâchée. Me permettez-vous encore une question? Oui, puisque j'ai un peu de temps. Pourquoi ne pas employer Bellegarde ou Girardin pour mener ce genre de recherche? Si je puis me permettre, c'est tout de même plus dans leur corde. Je sais, Patricia, mais vous savez comme moi que Girardin est en stage et que Bellegarde a fini par accepter de prendre quelques vacances. Il est vrai que je vais devoir me passer de mes lieutenants, mais un peu de travail de terrain ne devra pas me faire de mal. Dutilleul eut alors un sourire malicieux et reprit. Il est bon parfois de sortir de mon bureau, histoire de prendre l'air. De plus, je ne suis pas totalement démuni. Je vous ai. Rassurez-moi sur un point. Vous n'avez pas l'intention de prendre de vacances. Patricia joua le jeu et répondit, faussement courroucée. Alors là, vous le mériteriez, tiens. Ce serait une bien douce vengeance. Vous obligez à vous dépatouiller avec Internet. Je m'en délecte d'avance. Je vous reconnais bien, là. Vous m'attendiez au tournant, traîtresse. Au fait, tant que j'y pense, qu'est devenue la convocation de stage qui m'aura permis d'accéder enfin au monde moderne, sans lequel, visiblement, je ne saurais vivre plus longtemps? Patricia eut alors un ravissant clin d'œil et répondit d'un air navré. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Comme c'est mal à moi d'avoir oublié de vous informer. Votre convocation s'est noyée. Vous comprenez, dans tout cet océan de paperasse et faute de réponse de ma part en temps et en heure, la place a été réattribuée à Butier. C'est terrible, répondit hypocritement Dutilleul. J'espère que celui-ci ne m'en voudra pas trop. Je ne le pense pas. J'ai appris qu'il vient juste de s'offrir l'outil magique à titre personnel. L'heureux homme! Amusé par le tour que prenait la conversation, Dutilleul poursuivit. Puisque nous en sommes à évoquer les contingences administratives, sauriez-vous par hasard ce qu'il en est de mes convocations au stand de tir? Monsieur, je me dois de vous confesser la même négligence. Elles se sont noyées de la même façon. Toutefois, le délai de grâce devrait être plus long, puisque le stand de tir est fermé pour rénovation et informatisation. Aïe, cela veut dire que... Je crains, effectivement, qu'on ne vous en fasse les honneurs à la réouverture. Jusqu'à quand est-il fermé? 3 bons mois. 4, si l'informatique crée des problèmes, mais elle ne comptait guère plus. Dutilleul eut cette fois un air malheureux. Patricia, vous me cassez le moral, car en plus je n'ai pas à attendre la moindre grâce de Castex. Il connaît trop bien ma répugnance des armes à feu pour me délivrer une dispense. Patricia Martineau ne se laissa pas attendrir. Monsieur Castex a bien raison. Sérieusement, vous négligez trop votre sécurité. Du Tilleul n'abandonna pas si facilement. « Vous voici bien dur à présent. Moi qui espérais un peu de soutien de votre part. Pour votre peine, vous mériteriez de venir tirer avec moi. » Patricia Martineau prit un air résolu. « Au fond, ce ne serait peut-être pas une si mauvaise idée. Si cela peut vous réconforter. Puis, il est toujours bon de savoir se défendre, surtout à notre époque. » « Patricia, répondit sincèrement du Tilleul, vous ne cesserez jamais de m'étonner. Je vous autorise à établir une demande dès aujourd'hui. »